Section 26 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 6. L'Église et la papauté de Clément V à Innocent VIII. 1304-1484. Introduction et première partie. Les papes d'Avignon. 1305-1378. Par Émile Chénon. Pendant les XIIe et XIIIe siècles, le pouvoir pontifical s'était affermi et avait atteint son maximum de développement. Au XIVe et XVe siècle, il décline au contraire sensiblement. Les grands papes se font rares, et l'Église est troublée par des événements graves qui expliquent suffisamment cette décadence qu'elle éprouve de son chef. Après les démêlés de Boniface VIII avec le roi de France, la captivité de Babylone, les désordres matériels et moraux occasionnés par le grand schisme d'Occident et par le Concile de Bâle. Après avoir exposé les faits dans leur suite chronologique, nous verrons quelle influence ils ont pu avoir sur l'état intérieur de l'Église et sur la préparation de la Réforme. Première partie. Les papes d'Avignon, 1305-1378. Résultat de la lutte entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Pendant la lutte entre Boniface VIII et le roi de France, on avait vu pour la première fois en France le roi appeler des décisions du pape à un conseil général dont il semblait ainsi admettre la supériorité par rapport au Saint-Siège. Cette idée ne sera pas perdue. On la retrouvera lors du grand schisme d'Occident et aussi, avec l'affirmation de la pleine indépendance du pouvoir royal, dans la déclaration gallicane de 1682. À travers les siècles, Louis XIV donne en quelque sorte la main à Philippe le Bel. Les doctrines des légistes de l'an 1300 devaient avoir leur complète réalisation au XVIIe siècle. Le pouvoir pontifical sortait de la lutte également affaiblie au point de vue temporel. La théorie politique de Grégoire VII et d'Innocent III recevait un échec, et ce n'était pas l'exil de Babylone, ni les désordres du grand schisme, qui pouvait permettre de le réparer. Désormais, il était impossible en fait et difficile en droit de continuer à soutenir que tous les royaumes de la terre devaient être regardés comme des fiefs du Saint-Siège. La doctrine qui venait de triompher, c'était plutôt celle de leur indépendance. Le pouvoir royal, au moins en France, se trouvait certainement accru dans la pensée du roi d'abord et, il faut l'avouer, dans la pensée de ses sujets aussi. Seulement, il y avait pour ces derniers un danger. Le pape, une fois réduit à l'impuissance, l'espèce de contrôle qu'il exerçait depuis deux siècles sur les princes séculiers devenait inefficace. Pour certains, la crainte de l'interdit avait été le commencement de la sagesse. Ce frein disparaissant, les sujets n'auraient-ils pas à le regretter? Enfin, et ceci était grave, la question des rapports de l'Église et de l'État se trouvait désormais posée sur le terrain doctrinal comme sur le terrain des faits et posée dans des conditions qui ne permettaient pas d'espérer l'accord de longtemps. Pendant plusieurs siècles, on l'agitera, on l'agite encore. La captivité de Babylone. À l'époque du Concile de Vienne, le souverain pontife ne résidait plus à Rome ni même en Italie. Élu après un interrègne de 11 mois et grâce seulement à un compromis entre les cardinaux italiens et les cardinaux français, Clément V, ancien archevêque de Bordeaux, s'était fait couronner à Lyon. Puis, jugeant que l'Italie, en proie aux guerres intestines, était peu sûre pour lui, il avait résidé successivement à Bordeaux, 1306, à Poitiers, 1307-1308, et était venu se fixer en 1309 à Avignon, tout près du comtat vénitien, qui était devenu, par le traité de Meaux, 1229, la propriété du Saint-Siège. Avignon, toutefois, n'appartenait pas au pape. Ce n'est qu'en 1348 que Clément VI l'acheta, moyennant 80 000 florins d'or à la reine Jeanne de Naples. Clément V n'avait pas sans doute le dessein arrêté d'abandonner Rome. Cependant, il ne passa jamais les Alpes, et ce n'est qu'au bout de 68 ans que son sixième successeur ramènera enfin la papauté dans sa résidence naturelle. Les Italiens, très irrités de l'absence des papes, les ont représentés comme prisonniers de la France et ont comparé leur séjour à Avignon à la captivité de Babylone. Cette appellation a fait fortune. Elle était excessive, cependant. Les papes, en effet, ne résidaient pas sur les terres du roi de France, mais sur une terre à eux propres, dans une ville bien fortifiée, où ils étaient plus libres qu'ils ne pouvaient l'être alors en Italie, champ de bataille perpétuel de la faction guelfe et de la faction gibeline. Cette dernière, appuyée par l'empereur d'Allemagne, était par principe hostile au Saint-Siège. Souvent victorieuse, elle l'eût tenue dans sa dépendance. Avignon était plus sûr. Il est juste, toutefois, de reconnaître que la proximité de la France, en rendant plus facile et plus fréquente ses relations avec les Capétiens, contribua à séparer le pape de l'empereur et à le rapprocher de l'alliance française. Le soin pris par les papes d'Avignon de multiplier les cardinaux français et l'hostilité ordinaire des rois de France contre le parti gibelin concouraient encore à amener ce résultat. En fait, pendant la captivité de Babylone, malgré un retour offensif des légistes en 1329, l'harmonie ne fut pas sérieusement troublée entre le Saint-Siège et la France. Elle fut rare, au contraire, entre le Saint-Siège et l'Empire. Pour ces divers motifs, il s'était formé dans le Sacré Collège un parti très fort contre ce retour à Rome, qui, pour des motifs religieux, restait désirable. Il était convenable, en effet, que le successeur de Saint-Pierre résidât au siège de Saint-Pierre. À la mort de Clément V, 1314, les deux opinions agitèrent le conclave assemblé à Carpentras, les cardinaux français refusant de quitter Avignon, les cardinaux italiens réclamant le retour à Rome. Ces derniers faillirent être tués. Ce n'est qu'au bout de 27 mois de troubles que Jacques Deuze, ou Dossa, cardinal évêque de Porto, finit par être élu. Il prit le nom de Jean XXII, 1316-1334. Le parti d'Avignon triomphait. Jean XXII s'installa d'une façon définitive et fit commencer le fameux château des Dons que devait achever Clément VI. Le pontificat de Jean XXII devait rappeler celui de Boniface VIII. Il fut en effet rempli tout entier par sa lutte avec l'empereur d'Allemagne, Louis de Bavière, 1313-1347, auquel Frédéric d'Autriche, 1314-1330, disputait la couronne impériale. Elle dura jusqu'à la mort de Louis de Bavière, 1347. Il eut successivement contre lui Jean XXII, qui se montra d'une énergie inflexible, Benoît XII, 1334-1342, moine cistercien, qui aurait préféré la paix, et Clément VI, 1342-1352, qui parvint à lui opposer un nouveau compétiteur, Charles de Bohême, 1346. La mort de Louis de Bavière rétablit la paix entre le Saint-Siège et l'Empire. Clément VI mourut lui-même en 1352, ayant réussi à rétablir également la paix entre l'Angleterre et la France, la Hongrie et Naples, Venise et Gênes. Le retour à Rome, 1377. En 1348, Clément VI avait acheté Avignon, comme si la papauté ne devait plus quitter cette ville. Mais 15 ans à peine s'étaient écoulés que la question du retour à Rome était, au contraire, sérieusement agitée. L'absentéisme des papes avait eu des conséquences désastreuses pour leur domaine d'Italie. Rome et d'autres villes s'étaient constituées en république. Pour les faire rentrer dans le devoir, l'austère et pieux Innocent VI, 1352-1362, fut obligé d'envoyer en Italie une armée nombreuse, commandée par le cardinal Albornoz, qui avait réussi à rétablir partout le pouvoir pontifical. Il ne manquait plus pour rendre ses succès durables que la présence du pape. avec leur mobilité d'esprit ordinaire, les Italiens la réclamaient maintenant de toutes parts. Pétrarque, qui 10 ans plus tôt appelait l'empereur, Sainte Brigitte de Suède, une foule d'autres, se plaignaient que l'exil du pontife romain avait trop duré. D'un autre côté, le séjour d'Avignon devenait précaire. En 1360, le traité de Brétigny avait singulièrement affaibli la France, principale protectrice du Saint-Siège. Et dès 1366, Urbain V, 1362-1370, avait pu voir sa ville assiégée et rançonnée par 30 000 routiers. En outre, en 1361, la peste noire l'avait dépeuplée. 17 000 habitants, dont 9 cardinaux, avaient péri. Ce concours de circonstances décida Urbain V à passer les Alpes. Il rentra à Rome en triomphe et y resta 2 ans, 1367-1369. Pendant son séjour, il reçut la visite de Jeanne de Naples, de l'empereur Charles IV et même du basileus grec Jean V Paléologue, qui venait lui demander du secours contre les Turcs et rétablir l'union entre les deux églises. 1369. Les beaux jours de la papauté semblaient revenus, mais, pressé par les cardinaux, en grande majorité français, Urbain V commit la faute de retourner à Avignon, malgré les supplications du franciscain Don Pierre d'Aragon et les avertissements prophétiques de Sainte Brigitte, qui lui prédit sa mort prochaine. Il mourut en effet 2 mois après son retour à Avignon, décembre 1370. Les cardinaux lui donnèrent comme successeur le comte Roger de Beaufort, neveu de Clément VI. Esprit cultivé et noble caractère, mais maladif et irrésolu, Grégoire XI, 1370-1378, laissa se développer en Italie une ligue menaçante pour le pouvoir temporel des papes entre les Visconti de Milan, Jeanne de Naples, Florence, etc. Cette fois, Guelfes et Gibelins s'unissaient dans une haine commune contre l'influence française. Et par le fait même du peuple, jusqu'alors honoré de la possession du sacerdoce, la papauté allait se trouver réellement exilée en France. Sous peine de perdre tout pouvoir en Italie, le retour du pape à Rome était urgent. Tandis qu'un prélat belliqueux, Robert de Genève, essayait avec des bandes indisciplinées de Bretons et de Gascons de dissoudre la Ligue italienne par la force, Grégoire XI se laissait persuader par Sainte Catherine de Sienne, jeune religieuse qui, par le seul ascendant de ses vertus, allait bientôt jouer un rôle important dans les affaires ecclésiastiques. Malgré le roi de France, il abandonnait définitivement Avignon pour Rome, 1377. Il avait compris que pour opérer la réforme de l'Église, où de nouveaux abus s'étaient glissés, le Saint-Siège avait besoin, en apparence comme en réalité, d'une indépendance plus marquée, qui lui concilia à nouveau le respect et la confiance des peuples. La papauté n'échappait à la captivité de Babylone que pour tomber dans le grand schisme d'Occident. Fin de la section 26.